son aviano. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'Égypte ne va pas la foi. Alléluia. Amen. L'Égypte vivre par la foi. Alléluia. La qui s'en va pas payer. Mais l'Égypte vivre par la foi. Alléluia. Papa Christophe, Jésus, vivez par la foi, alléluia. Masotane la Jésus, Jésus, vivez par la foi, alléluia. Et mon bino bana la louange, Jésus, vivez par la foi, alléluia. Et mon moyo mon Christ notre vie, vivez par la foi. Puissance, vivez par la foi, alléluia. Et bon, moi, yo, moi, na, ma, pinga, ne, longa, vivez par la foi. Yeah, ooh.